pour l'eau ou bien de faire un don. Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, la Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Merci Bruno. C'est ce qu'on appelle s'asseoir juste à temps. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre émission de prog hebdomadaire. 2 heures de bon prog jusqu'à minuit. Et ce soir, c'est Michel et Bruno avec vous. Et on a plein de belles nouveautés, le reste des nôtres. Là. Il y a vraiment des belles surprises. Et puis, on aura le plaisir vers 10h20 à peu près de vous présenter en grande première mondiale, le nouveau Hudson Hatton. Enfin, un extrait, parce que c'est une symphonie de 43 minutes. On va vous présenter un extrait de cette symphonie de M. Souventy. Symphonie numéro 1. Et puis, apparemment, il y aurait comme quelques suites dans l'avenir. Donc, Hudson Hatton, symphonie numéro 1, vers 10h et quelques. Là. Et restez des nôtres. Et puis, ben, on commence, nous, avec RPVL. Comme il faut le dire en allemand, un souvenir, Beyond Man in Time. Et évidemment, je pense que vous commencez à être au courant que RPVL va nous visiter le 20 et le 21 mai dans le cadre du festival Terra Incognita. Le 20 mai, c'est un spécial, c'est un spectacle qu'ils ont présenté, que le groupe a présenté en Europe, et qu'on va être les premiers à le voir en Amérique du Nord. Spectacle, concept, imaginé en 69 par Roger Waters, ça s'appelait The Man and the Journey. C'est Pink Floyd l'a présenté à quelques reprises, mais pas tant que ça. Donc, on va avoir la chance d'avoir une recréation de ce spectacle. Donc, ça va être le 20 mai au Centre d'Art de la Chapelle. Et le 21, mais c'est le spectacle courant de RPVL. Et le lendemain, ben, on a aussi Sylvan. Et puis, ben d'autres mondes aussi. Abel Gance le samedi, Inner Odyssey. Bien. Unreal City, il y a bien du beau monde, donc Kinetic Element aussi. Ça, je pense que ça s'en vient, là. Je commence à compter les dodos. Et bien, je vous parlais d'RPVL, on va écouter un extrait de Beyond Man and Time. C'est We Are What We Are.

his path's about to come, walking on with pride. Finally, we are what we are, what we will ever be. A life full of signs, knowledge, but only as far as we can see. And after all, came a long way. Écoutez CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. De retour. Oui, ben, ce qui a bouclé la boucle de notre premier bloc, c'était Ead Bernard Polydactyl ou Polydactyle. Je te pourrais dire un guitariste de Toronto, mais en fait, c'est un multi-instrumentiste, M. Bernard, qui, bon, il a surtout œuvré avec un groupe qui s'appelle Drock Farben. Et puis, ben, il nous arrive avec un premier disque solo. Oui, tiens, guitare, violon, mandoline, basse, percussion, clavier, et puis il chante aussi. Et il a invité un ami du groupe pour quelques partitions de batterie. Puis il y a un invité spécial au chant, c'est Cameron Atkins là, de FM. Mais on peut estimer à peu près à 95%. C'est l'œuvre totale de Ead Bernard, donc son premier disque solo, puis j'espère que ce ne sera pas son dernier, parce que c'est vraiment bon. D'ailleurs, on va en remettre plus tard en soirée. Ben, avant, on avait en grande exclusivité Hudson Hatton, symphonie numéro 1, Cupid and Psyche. C'est la première œuvre symphonique de Fabio Zuventi, donc qu'on connaît bon, pour sa multitude de groupes, Hudson Hatton, Finistère, La Mascara di Chera. Et là, c'est disque solo. Puis Hudson Hatton vient de prendre un virage symphonique. Je ne sais pas si ça va être en boucle. Je ne sais pas en boucle, mais en série. Parce que j'ai l'impression qu'après, les derniers détails que j'ai eus, c'est que M. Zuventi préparait un disque solo, la suite de la Quarta Vittima. Donc, mais c'est assuré qu'il va nous revenir avec une autre symphonie. Moi, j'ai bien aimé. La fusion est parfaite. Impressionnant. 43 minutes, symphonie numéro 1. Donc, ça va être disponible dans 3 semaines, le 8 avril. Ça ne sert à rien de chercher pour le moment. Et on avait avant RPVL, Beyond Man and Time. On va aller faire un petit tour du côté de la Suède, cette fois-ci avec un groupe qui est assez spécial. Moi, je trouve que la Suède n'est pas très, très productrice par les temps qui courent. C'est plutôt l'Italie là, qui nous fournit avec de multiples productions. Mais ça, c'est une nouvelle production suédoise. Le groupe a pour nom New Keepers of the Water Towers. Et c'est pas courant, comme vous allez pouvoir constater comme vous-même. C'est un extrait de l'album Infernal Machine. Et moi, la première fois que j'ai écouté, j'ai pensé à une pièce des Beatles pour le vocal, là, Blue Jay Way, qui était sur Magical Mystery Tour. Avec une composition de George Harrison. Vous allez voir, le vocal, moi, ça m'a tout de suite branché sur ça. Évidemment, musicalement, pour le reste, c'est pas ça, mais c'est très spécial et je pense que je vais beaucoup aimer. Donc, New Keepers of the Water Towers. We'll be right back. nothing I could change. Or was this unavoidable? A sequence of moments each day with stop signs and passing in play. No reason to think anything's wrong. Too late to be avoidable. Calling out my enemies. I need to know my enemies. Calling out my enemies. I need to see your face. Calling out. Calling out my enemies, a name without. Build the fire, become the water. make the choices, spin them round, let them fall to the ground. Look them over, what can they say? Jump the broomstick, walk away. You need reason and you need time, make the choices so entwined. Lack of knowing and lack of truth will write the story and undo you. You won't hear them calling to you. Close your eyes, you won't see them fall. You won't hear them calling to you. Close your eyes, you won't see them Cette soirée vous est présentée par La Barberie. And you hear me from far away, and my voice does not reach you. Let me come to be still in your silence. One word then, one smile is enough, and I'm happy. Happy that it's not true. Le Radioton de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radioton et le prix spécial membership. Objectif 40 000$. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, la Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Bon, on jette un petit coup d'œil à ce qui s'est passé avant les pubs. On a bouclé avec Abel Gans. Je pense que je dirai jamais assez de bien de ce disque. Éponyme, Abel Gans, c'est leur plus récent. C'est un petit bijou, ce disque-là. Là. Puis plus je l'écoute, plus j'ai hâte de les voir en concert. Donc oui, ils vont nous visiter le 21 mai. Ils vont être le samedi, donc, 19h30. C'est eux qui vont ouvrir la soirée après Inner Odyssey. Puis tout juste avant RPVL. Je pense que ça va être une magnifique journée. Là. J'ai vraiment hâte de les voir. Abel Gans, donc, formation britannique, qui à ses débuts était... Bon, dans les normes de l'époque, les années 80, le néo-prog, mais je vous dirais de pas trop fouiller pour les trouver. C'est vraiment la production d'Abel Gans, la crème, c'est Shooting the Albatross et ce petit bijou qui s'appelle tout simplement Abel Gans, qui, je vous le rappelle, vont être à Québec le 21 mai. Au Centre d'art La Chapelle, dans le cadre du festival Terra Incognita. Avant, bon, on avait... Ça me vient de Californie, des genoux de Californie, assez inventifs. Ample Deed, de leur second disque, Biobab. La pièce Muffin Man, mais ça n'a rien à voir avec Frank Zappa. Mais enfin, c'est pas la pièce de Frank Zappa, mais il y a peut-être quelques références là, au clavier. Il y avait tout juste avant, ça me vient aussi des États-Unis, Fractal Mirrors, de leur album tout récent, Slow Burn One, et c'était la pièce Enemies. Et puis, on avait amorcé avec New Keepers of the Water Towers, un groupe de Suède assez lourd, avec un vocal. Moi, ça me rappelait le Blue Jay Way de Magical Mystery Tour. C'est l'album Infernal Machine. On poursuit cette fois-ci du côté de l'Italie avec... bon, ça, c'est un disque que j'écoute, mais en boucle depuis quelques semaines. La Fabrica del Assoluto, l'album 1980. C'est inspiré du livre de George Orwell. Et le titre en italien, c'est L'ultimo uomo d'Europa. Des genoux encore, mais avec une belle énergie. C'est, pour un premier disque, là, c'est vraiment impressionnant. Et puis, je leur souhaite une longue carrière. Donc, belle découverte d'Italie, la Fabrica del Assoluto. Le temps de vous rappeler que c'est Terra Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. Encore une bonne heure de musique. Et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. questa stanza spoglia. Thank you. erase this line and fade away. Seems so strange. I see the traces and all the shapes of childhood still remain. Wander over the old. Time.

CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. Tu es mon amour depuis tant d'années. C'est là que le bonheur est l'objet d'une quête. Tu es mon amour depuis tant d'années. C'est là que le bonheur est l'objet d'une quête. La Barberie. Tu es mon amour depuis tant d'années. Bon, on a eu, en tout dernier lieu, c'était Arabs in Aspic, groupe norvégien qui est, ben, je pense, sont rendus à leur quatrième ou cinquième, là, c'est parce qu'il y a comme une confusion au début, là, il y a un disque qui n'apparaît pas dans leur discographie, un EP en fait, fait qu'on peut dire quatrième ou cinquième disque, donc pour Arabs in Aspic, Victim of Your Father's Agony. Et le seul reproche que j'aurais à faire à ce groupe-là, c'est que leurs disques sont dans bonne tradition des années 70. C'est juste ce petit côté de temps qui... On, c'est pas qu'on, oui, moi je reste sur ma faim un peu, là, mais ça n'empêche pas que la qualité est au rendez-vous. Donc, on a eu le plaisir d'y voir d'ailleurs il y a, mon Dieu, au moins 4 ans certains au Festival Terra Incognita. Ils ouvraient une journée. Et je peux vous dire que c'est des joyeux fêtards. C'est Arabs in Aspic. Des gars qui ils ont été très corrects pour le test de son et puis pour leur concert numéro 1. Et aussitôt qu'ils ont mis un pied hors de la scène, ils se sont délectés de nombreuses boissons alcoolisées pendant toute la fin de semaine. il était drôle. Mais c'est ça, les autres étaient partis sur le party. Ils ont décidé qu'une fois qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient à faire, c'était le party pendant 2 jours. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, on avait avant Ed Bernard. Son premier disque solo, c'est le guitariste de Drock Farben, une formation de Toronto. Probablement, j'oserais dire que c'est une des meilleures formations canadiennes de prog, Drock Farben. Et ben, Ed Bernard, il donne pas sa place non plus parce que il fait quasiment tout sur ce disque. Incroyable, guitariste, bassiste, claviériste, chanteur. Mandoliniste, ouais, je pense que ça se dit mandoliniste, violoniste, enfin bref, c'est un homme, je pense qu'il peut rendre jaloux bien du monde. Il a multiples talents et puis c'est son premier essai, puis j'espère que ce ne sera pas son dernier parce que c'est vraiment bon. Et j'essaie de le convaincre de venir faire un petit tour au festival histoire de rencontrer les amateurs. Et puis je pense que il y aurait quelques personnes intéressées à acheter son disque, assurément. Et puis, ben, on avait amorcé avec la Fabrica del Assoluto, l'Ultimo Uomo d'Europa. Ça, c'est mon disque depuis quelques semaines. Là, ça joue en boucle. Et puis, ben, c'est vraiment réjouissant de voir des jeunes distiller une musique aussi énergique et aussi... ouais, je cherche énergique, enthousiaste et ben, enfin il y a, c'est j'oserais pas dire que c'est un des disques de l'année encore là, mais non, parce que c'est 2015 de toute façon, mais c'est assurément là, un des grands disques de prog italien qui est sorti là, depuis un an. La Fabrica del Assoluto. Et dernière demi-heure ensemble, on va aller faire un petit tour encore du côté de l'Italie avec un groupe qui s'appelle Entity. Et c'est un extrait du disque Il Falso Centro. A me sono bastate le promesse che ad ora non sono state mantenute. E mendico proroghe inutili. Ma ormai le scuse non hanno senso. L'attesa è l'imbroglio del tempo che si porta via. Qualcosa di eterno in ogni attimo che vola via, che vola via. Thank you. like a present in your face. Why can't we even mourn? Why can't we even call the names of all the ones we lost? Why can't we now concede the day of the defeat? Asking helpless things to the helpless ones again. While the pain went to stay, so the final decay. Hell is a cold place to be. It's a sad sacrifice. It's an art in disguise to walk through shattered doors. And we go into eyes and fall. Here in the dust, another morning feels like a shadow spell.